les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Un jean, un blouson rouge, la tête rentrée dans les épaules, un héros solaire, la première star pour adolescents. Pour adolescents ayant des problèmes avec leurs parents. Pour adolescents américains, pour adolescents du monde entier, semblait-il. Lui, une sorte de frère, de père, de meilleur ami, le maître à penser pour ados. Les mardis du cinéma par Francesca Piolo, première diffusion sur France Culture le 26 mars 1985. Et cette question, la plus grande chance de James Dean serait-elle d'être mort à 24 ans ? Épitaphe pour un cow-boy canonisé. One, two, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on. Join me, hon. We'll have some fun when the clock strikes one. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock. Il prend son petit déjeuner, il parle avec un ami. Il enlève ses incisives supérieures, les frotte avec la serviette. Il remet les incisives à leur place et se rince la bouche avec le reste du café. Il habite au 4e étage d'un immeuble lépreux, dans la 68e rue. Il garde sur lui une mèche de cheveux de sa mère morte. Il marche comme un crabe, il ne peut rien faire droit et son dos est courbé. Il porte de grosses lunettes sur ses yeux de myope trop enfoncés et il louche un peu. Parfois, il joue à cache-cache dans les cercueils et trafique des bandes-sons où il parle de mort. Et pourtant, c'est le héros que l'Amérique se choisit, le 9 avril 1955, à la sortie de son premier film, À l'Est d'Éden. On le surnomme le Brando du pauvre, mais il s'appelle James Byron Dean. Octobre 1955, sortie de Rebelles sans cause ou La fureur de vivre. L'Amérique a connu bien des rébellions, mais rarement comme celle-ci. Des millions de rebelles adolescents en route pour nulle part. Certains dans des voitures de course bricolées, d'autres dans des rugissements de rock'n'roll, d'autres avec un fusil à la main et à leur tête, un leader mort. Un leader mort à 24 ans, de trop de vitesse, corps ouvert sur le volant, comme les matadors encornés qu'ils vénèrent et dont il souligne au crayon de couleur le destin tragique au chapitre 4 de « Mort dans l'après-midi » d'Hemingway. Incapacité en vert, défiguration en bleu, dégradation en jaune, mort en rouge. 25 cents pour voir la voiture de l'accident, 50 pour s'asseoir sur le siège et toucher le volant tordu, brisé et taché de sang. D'un côté, l'Amérique des années 50 qui a sacrifié sur l'autel des guerres impérialistes, de la course aux armements, de la chasse aux sorcières communistes, de la General Motors et du conformisme. De l'autre, une culture nourrie par le réalisme des théâtres marginaux des années 30, le néo-réalisme des jeunes réalisateurs italiens d'après-guerre, Rossellini, Vica Visconti, remodelé par la méthode de Lee Strasberg à l'Actor Studio. Dans ces années-là encore, au Festival de Cannes, en 1951, Buñuel gagne avec son film sur la délinquance, Los Olvidados. Salinger s'attire les louanges de la critique et du public avec La Trappe-cœur, histoire d'un adolescent rebelle. La génération des beatniks de Kerouac commence à sillonner les routes. Alors se lève, de par les forces conjuguées de l'opulence et du manque, un jeune homme à la face de Janus, à la fois produit de l'Amérique compromise et refus de cette compromission, un cow-boy canonisé dans sa contradiction et son éternité par des millions de jeunes. Clochard céleste, têteur de mots, rêveur de mort, il s'appelait James Byron Deane. James, comme Joyce, Byron, ce poète anglais qui alla mourir chez les Hélènes, et Deane, comme moi. Deane, c'est un peu comme un enfant qui tombe par terre, qui se fait mal au genou, et pof, il a une belle croûte sur le genou. Et il est tout le temps en train de se gratter sa croûte, mais il ne se gratte pas sa croûte en solitaire, il la gratte devant des millions de spectateurs et ah, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. Françoise Ducoux. There was a boy, a very strange enchanted boy. They say he wandered very far over land and sea. Qui n'a pas envie de protéger un jeune homme comme celui-là? Non mais c'est vrai, si on veut être un peu cynique, il nous a fait le coup, machin, pas de maman, enfin et tout. Mais ce qui est vrai aussi, il était comme ça. Vous l'auriez adopté. Oh, j'avais pas l'âge de l'adopter, non, moi. J'en parlais comme d'un orphelin. J'en parle maintenant comme un orphelin parce que maintenant j'ai 42 ans et que je regarde les photos d'un jeune homme qui en a 20, 18, 20, n'est-ce pas? Mais quand je l'ai vu au cinéma, je l'aurais pas adopté. J'aurais adoré qu'il m'aime. Ça, oui. Sylvie Messinger. The greatest thing you'll ever learn is just to love and be loved in return. Lui, c'était la reine des putes. Il était... Bon, comme tous les acteurs, il est obligé d'être était extrêmement narcissique, ça c'est vrai. Mais enfin, si vous n'êtes pas narcissique et un peu même mégalomane, vous ne pouvez pas être acteur, c'est des défauts absolument indispensables. René Château. Il est en même temps non fini. Aussi, il a quelque chose qui émeut dans toutes les composantes, au fond, de la sexualité. It's just to love. Geneviève Guigillet. And be loved in return. Quand il mourut, le 30 septembre 1955, des morceaux de sa Porsche ont fit des bagues. On monta les éclats de sa pierre tombale comme des diamants et on lui écrivit tant de lettres d'amour folles qu'il fallut une armée de psychiatres pour les analyser. On publia régulièrement ses mémoires d'outre-tombe et il lui aurait fallu plus de 3 vies pour assumer toutes les nuits qu'hommes et femmes se vantèrent d'avoir passé avec lui. Dans son village natal, en 1956, 27 enfants sur 48 s'appelèrent Jimmy. 3 800 000 adolescents en jeans et blouson rouge adhérèrent au fan club. Avril 1954. Très chère Barbara, je n'aime pas l'endroit, je n'aime pas les gens. J'aimerais être chez moi, à New York. Et je t'aime, et j'ai envie de toi. Est-ce que je serai toujours malheureux? Je fais tout pour qu'on me repousse. J'essaye. Je ne veux pas écrire cette lettre. Je ferais mieux de me taire. Terrible. Je suis complètement givré. Arrivé ici jeudi, le samedi suis allé dans le désert, et la semaine dernière, à San Francisco. Je ne sais pas où je suis. Louer une voiture pour 2 semaines, ça m'a coûté $138. Je veux mourir. J'ai dit à Terry Moore et à 5 autres comme elle d'aller se faire foutre et qu'elles n'étaient que des putes, molles, stériles et stupides. Je n'ai couché avec personne et je ne coucherai qu'une fois le film terminé et que je sois de retour chez moi, à New York, une gentille petite ville bien douillette. Aussi incroyable que cela puisse paraître, je jure que c'est vrai. Aussi, tiens-toi prête, retiens ton souffle, que tout s'arrête à New York, jusqu'au retour de James Dean. Ne pourrait-on pas trouver quelques trompettes? Formidable. Je suis complètement siphonné. Pas de moto, pas de fille. Chérie. Merde. Même en majuscule, ça ne fait pas grand effet. Rien trouvé pour me loger? J'habite chez les parents. Chérie, Kazan m'a expédié ici pour que je bronze, mais je n'ai pas encore vu le soleil. Fumée et brouillard. Ils veulent que j'aie l'air en pleine forme. J'ai l'air tout moche. Ne quittez pas trop tôt le toit familial, sinon vous devrez vous bourrer de vitamines le restant de vos jours. J'espère que tu es bien paumé sans moi. Je serai bientôt là. Écris-moi, je t'en prie. Je suis triste la plupart du temps. Affreusement seul aussi, tu sais. J'espère que tu meurs, car moi je meurs. Love. Jim Brando Clift. C'est Dean, c'est ce garçon, la tête dans les épaules, engoncé dans un pardessus noir qui traverse Times Square. Il pleut, il fait moche, il est lancé dans la grande ville. Qu'est-ce qu'il va faire? Il est tout seul, il a ses petits bongos, il tape sur ses bongos. Bon, alors là, on s'attendrit, on se dit, oh, mon Dieu, pauvre petit, qu'est-ce que c'était dur. Mais c'est vrai que ça a été dur pour lui. Mais très rapidement, et bon, mais tant mieux, parce que si on est acteur, si on est écrivain, si on fait un métier public, c'est pour avoir du succès. Bon, très rapidement, il a très bien compris qu'il avait un rôle à jouer et que ce rôle n'était pas celui de la jeunesse sucrée, after Chavez, bien propette, vous savez, les jupes en corolle des jeunes Américains et des jeunes Américaines des années 50, mais qui avait... Il y avait quand même des gens qui s'appelaient Kerouac, qui avaient les beatniks, qui avaient cette espèce de on ne peut pas dire révolution, parce que c'est trop tôt pour parler de révolution dans la société américaine, mais enfin, disons, de rébellion contre l'establishment qui pointait. Et lui, il a très bien pris, je crois, le tournant. D'ailleurs, une des premières pièces où il avait un petit rôle d'arabe, etc., à Broadway, était adaptée d'un roman de Gide. Bon, Gide, sa réponse, côté un peu sulfureux, un petit peu, bon, j'allais dire démodé, mais qui était une espèce de côté un peu rebelle, révolté contre tout et contre tous. Et donc... Qu'est-ce qu'on voit de Dean qui réussit? Bon, ce petit bouseux qui monte de l'Amérique profonde vers New York, vers Broadway. Qu'est-ce qu'on voit de lui? On voit donc ce garçon introverti, malheureux, nerveux, etc. Et qui, on se dit, ah, ce pauvre petit, donc il va jamais réussir. Mais non, pas du tout. Il réussit très bien, par exemple, à se faire inviter. Il est toutes les soirées un petit peu chic dans Greenwich Village, un télo, etc. Et Bon, naturellement, au lieu de se mêler aux autres invités, qu'est-ce qu'il fait, lui ? Ben, il s'amène avec son bongo, il reste dans un coin du salon, et pendant des heures, il tape et tout ça sur ses bongos, avec ses petites lunettes sur le bout du nez, etc. Et il se place automatiquement et résolument en marge des gens qui font New York, qui font la vie intellectuelle ou artistique de New York. Et il a une très bonne perception des choses. Par exemple, il croise Brando qui est jeune, qui est triomphant, qui est en train d'accumuler succès sur succès, qui d'ailleurs, peut-être que je me trompe, mais il devait jouer avec Dean dans La Fureur de Vivre. Non, pas dans La Fureur de Vivre, vous voyez, je fais une erreur, dans À l'Est d'Éden. Mmh. Et Brando a été un peu effrayé par James Dean, parce que qu'est-ce qu'il fait, James Dean ? Il n'arrête pas, il est fasciné donc par l'image de Brando, par cette image conquérante qui est en train de faire un peu basculer le cinéma américain, et il n'arrête pas à 3h du matin, à 4h, « Ah, monsieur Brando, c'est James Dean, je vous admire, je voudrais vous ressembler, qu'est-ce que je peux faire ? Est-ce que je peux vous rencontrer ? Je voudrais, vous savez, vous êtes tellement formidable, si vous pouviez me montrer, tout ça. » Et Brando n'en pouvait plus. C'était vraiment une espèce de Bernard l'ermite, James Dean, qui était là, qui lui collait vraiment et qui... Il a été obligé de s'en débarrasser d'une façon d'ailleurs très, très, très, très grossière dans une soirée. Donc, c'est pas du tout le petit angelot et le petit intello, etc., qu'on a envie de materner. C'est pas du tout ça, Dean. Ce que je trouve en premier, peut-être, ce qui m'a saisi, c'était quelque chose que j'appellerais une représentation des héros solaires. Et ce qui a provoqué en moi cette représentation, ce sont les photos de James Dean étant cow-boy. Et le cow-boy, pour moi, c'est évidemment tous les westerns, c'est toute cette chevauchée, cette épopée qui est devenue légendaire pour les Américains, qui est la conquête vers l'ouest, donc la poursuite du soleil. Et en suivant cette image, ça a réanimé en moi des représentations beaucoup plus archaïques. Et entre autres, j'évoquais les fresques des temples égyptiens sur lesquels on voit la déesse de la nuit, Nout, avalant un magnifique soleil. On voit ensuite ce soleil dans son ventre où il va être réenfanté. Puis on voit le soleil qui rejaillit d'entre ses jambes, nouveau, triomphant, prêt à un jour nouveau. Mais à la différence du soleil qui vit son cycle et qui le perpétue, James Dean, lui, n'est pas reparu. Il est donc resté englouti dans cette mer morte. Et le seul retour triomphal qu'il fait parmi nous, c'est celui qui est suscité par ses admirateurs, qui périodiquement lui redonnent vie. Quand je lisais ce qui en a été dit dans cet album, il y avait toute une sorte de ritualisation du souvenir. Et en plus, maintenant, il apparaît, vous m'en parliez aussi, sous toutes les formes, sur les t-shirts, sur les bouteilles, n'importe où. C'est donc un produit qui, en même temps, est consommé. Janvier 1985. Chère madame, par cette lettre, je viens vous demander si vous avez plus de renseignements sur James Dean. La semaine dernière, j'ai acheté un livre sur lui. C'était James Dean, sa vie en images. Car je suis une fan de lui. J'ai plein de posters, de cartes postales, de stylos, de boîtes à cigarettes, cendriers, boîtes à allumettes, serviettes de bain, coussins, etc. Alors je vous demande si vous avez d'autres documents sur lui. Est-ce que vous pourrez me répondre et me dire ce que vous avez ? Je vous remercie. Si vous n'avez rien d'autre, où pourrais-je me renseigner? Et quelle est l'adresse de son fan club? Une fan, Isabelle. Je voudrais vous demander si on peut écrire et si l'adresse de son fan club est encore bonne, page 165 du livre. Je vous mets également une enveloppe timbrée et mon adresse. Souvenir, je vous retrouve en mon cœur et vous faites refleurir tous mes rêves de bonheur. Je me souviens des soirs de danse, jour contre jour, des rendez-vous de nos vacances quand nous faisions les fous. Souvenir, souvenir de nos beaux jours de James Dean, ça a été la première star pour les adolescents. Et James Dean, rien que déjà par son apparition sur un écran, posait des questions, n'y répondait pas toujours, mais posait des questions qu'on avait en nous. Et ça a été unique dans le monde entier, quoi. C'est-à-dire, moi aujourd'hui, je reviens de Bangkok, et à Bangkok, James Dean est totalement présent. Vous rentrez dans une teinturerie, toute la caisse, et il n'y a que des photos de James Dean sur la caisse de la teinturerie, des trucs incroyables. Vous allez au Japon aujourd'hui, il y a des livres sur James Dean chaque année qui sortent. Ces films passent sans arrêt à la télévision. Et disons, le pays où James Dean est le moins présent, où j'ai visité, c'est encore l'Amérique, c'est-à-dire son propre pays. C'est le chef de file de toute une génération, mais pas en France seulement, en Angleterre, en Amérique, génération d'intellectuels. Et James Dean, disons, c'est des sentiments, quoi, ce sont des sentiments. Vous avez dit une génération d'intellectuels. J'ai pas dit d'intellectuels, je crois. Non. J'ai dit une génération. Je sais pas. Enfin, le mot intellectuel, peu importe. Parce que, si vous voulez, moi, quand j'étais, par exemple, en 56, 57, deux ans après la mort de James Dean, il y avait un club James Dean à Paris. Et j'y étais, bien entendu. Et, il existe toujours ? Non, il n'existe plus. Si vous voulez, il était dirigé par une vieille dame, qui s'appelait Madame Wagner, qui, au moins, il faut lui reconnaître. Cette chose, c'est d'avoir créé le club James Dean. Bon, elle était trop amoureuse de James Dean, elle a fait James Dean et tout. Il y avait donc beaucoup de jeunes, autant de garçons que de filles qui étaient dans ce club, et de tous les niveaux sociaux, c'est-à-dire de l'étudiant passant par l'ouvrier, puisque moi à l'époque j'étais ouvrier, j'étais manœuvre dans le bâtiment, et il y avait donc toutes les catégories sociales. Mais tous les jeunes avaient un point commun, c'est qu'ils avaient tous des problèmes avec leurs parents. Cette figure de héros, cette figure donc solaire, dans le cas de James Dean, l'accent qui est mis, c'est sur cette jeunesse qui n'a pas connu le vieillissement. Il est mort en plein rayonnement. Et cette figure mythique qui correspond donc à celle de James Dean, c'est bien la figure du puer éternus. Celle de l'adolescent éternel, du fils amant qui est inséparable de la mère. Et James Dean, particulièrement, condense sur lui deux aspects du puer. Le côté victime immolée, sa mort tragique, et le côté triomphe de la vie par cette jeunesse qui, au fond, est éternisée puisqu'elle ne connaîtra pas l'attaque du temps. Ses biographes disent qu'il entretenait toujours avec sa mère une sorte de rapport imaginaire. Et moi, j'ai eu le sentiment que, effectivement, dans tous ses films, il vit ce rapport avec sa mère, il le représente, et on peut s'imaginer que dans cet amour de la vitesse et ses courses en automobile, il était à la recherche de ce rendez-vous avec cette mère, qu'il vivait dans un imaginaire, et qu'à force de le vivre dans un imaginaire et de le vivre dans des films où il actualisait quelque chose, il a fini par se prendre à son propre jeu et pas faire passer ce rendez-vous avec la mère dans la matière même. Et il est mort dans une sorte d'acting out, un passage à l'acte, oui. Il a agi. Marilyn meurt à 36 ans, je crois. Garbo s'en va à 36 ans. James Dean meurt à 24 ans. Bon, ben, c'est formidable. On peut continuer à construire des légendes sur eux. Dans le cas de Dean, bon, il part à bord d'une voiture super puissante. C'est un type qui aime faire des courses. Bon, c'est un... Il y a des acteurs aujourd'hui qui adorent faire des courses. Paul Newman participe par exemple aux 24 heures du Mans, etc. Mais chez lui, c'est un côté ostentatoire. Et bon, il est là, il est fait corps. Puis il ne faut pas oublier que 55, l'année de sa mort, c'est un an après Bonjour Tristesse. Vous allez dire que ça n'a aucun rapport. Mais un an après Bonjour Tristesse, où... les choses ont commencé à basculer, où on a découvert l'ivresse de la vitesse, où on a découvert, enfin, ce qui n'était pas nouveau parce que ça existait depuis longtemps, une certaine désespérance. Et cette désespérance, eh bien, elle se fondait, elle épousait la machine. On conduisait comme Sagan, à pieds nus sur sa, collé au frein, à la pédale de sa Porsche ou de sa Facel Vega. Je ne sais pas si j'ai le droit de citer des noms, mais enfin, je le fais, tant pis. Eh bien, Dean a réalisé d'une certaine façon toutes les espérances des jeunes gens et des jeunes filles qui se traînaient dans des voitures un peu tortillard, un peu vieilles, etc. Et il est mort en pleine gloire, à tel point que quand... bon, comme vous le savez, ces obsèques ont donné lieu à des scènes d'hystérie totale. Bon, naturellement, il y a eu des margoulins qui ne sont pas privés de tirer parti financièrement de cette mort, puisqu'on a vendu des morceaux de sa Porsche. Comme fétiche, c'était lourde, c'était la foire, la brancante, et que... pendant des années, des jeunes filles un peu exaltées ont été persuadées que Dean, horriblement défiguré, se cachait dans une clinique où il avait subi une chirurgie esthétique qui n'avait pas très bien réussi, qui ne pouvait plus réapparaître, mais qui hantait d'une certaine façon toujours les studios, etc. Je crois que la plus grande chance de Dean, c'est d'être mort à 24 ans. They called me chicken. You know? Chicken. I had to go. Because I didn't, I'd never be able to face those kids again. I got in one of those cars And Buzz, one of those kids, he got in the other car and we had to drive fast. And then jump, see, before the car came to the edge of the bluff and I got out okay and Buzz didn't and, killed him. Good look. And I can't keep it to myself anymore. Well, so. You just get it off your chest, son. That is not what I mean. Dad, I have never done anything right. I've been going around with my head in a sling for years. I don't want to drag you into this, but I can't help it. See, I think that you can't just go around proving things and pretending like you're tough. Yeah, that's right. You can't, even though you got that's a, right. you look a certain way, you can't. That's right, you're absolutely, you look, you're feel. Absolutely right. You're not listening to me! Septembre 1955, tournage de Géant, portrait de James Dean par Denis Hopper. Jimmy faisait sa première scène avec Elizabeth Taylor, et c'est la première et unique fois que je l'ai vu inquiet sur un plateau. Ils étaient en train de tourner la scène où il tire un coup de carabine depuis le château d'eau, où elle arrête la voiture et où il lui demande d'entrer prendre le thé. Il était si tendu que c'est à peine s'il pouvait prononcer les mots. Eh bien, il y avait dans les 4000 personnes qui assistaient à la scène, à une petite centaine de mètres, des gens du cru et des visiteurs. Et tout à coup, Jimmy se tourna et marcha vers eux. Il arriva à mi-chemin, ouvrit sa braguette, sortit sa caquette, pissa, la secoua, referma sa braguette et regagna la scène. Je l'avais vu faire de drôles de trucs, mais ça c'était le plus dingue. Et quand je lui demandai pourquoi, il déclara avoir imaginé que s'il pouvait faire ça devant 4000 personnes, il pouvait revenir et faire n'importe quoi avec Liz Taylor devant la caméra. Narcisse qui s'engloutit dans l'eau de la source. Et il est très, très narcissique, c'est sûr, et on ne peut pas s'empêcher d'évoquer le mythe de Narcisse, amoureux de sa propre image et mourant de ne pas en trouver une autre. Mais on pense aussi que dans le mythe de Narcisse, s'il meurt de cet amour de lui-même, c'est parce qu'il n'a pas rencontré un autre regard, qui est le regard de la mère dans le miroir, qui l'aurait fait vivre pour lui. Et qu'il a donc été, sous son propre narcissisme, captivé par un regard de mère, et son côté exhibitionnisme était peut-être aussi un essai pour capter le regard de la mère qui était à jamais perdu pour lui. Thank you. oui, il avait perdu sa maman très jeune, etc. Et je veux dire que sexuellement, Dean ne peut attirer que les dames, disons, non pas d'un certain âge, mais d'un âge qui n'est plus celui des teenagers, ou les teenagers. C'est-à-dire qu'il n'y a, en fait, il n'y a pas de sexualité chez Dean. Il y a de la pitié. C'est vrai, bon, je pense que on avait envie de le consoler, on avait envie de le faire manger à la cuillère, de lui dire, est-ce que tu as bien pris tes vitamines, tu es pas l'eau aujourd'hui. Mais oui, parce que c'est une perversion, Dean. J'ai l'air de pauvre Dean, de marcher à nouveau sur sa tombe. Je ne voudrais pas du tout faire ça, donner cette impression. Je crois que c'est quand même un personnage et une personnalité très importante dans le cinéma américain. Bon, quand il arrive, qu'est-ce que c'est ? On en est encore... à l'époque des acteurs qui ont cette espèce de sex appeal, de machisme, de côté costaud, poitrail et biceps en avant. Hein. Il ne faut pas oublier qu'un acteur comme Clark Gable, par exemple, est encore en activité, si j'ose dire, et il impose encore une certaine image. Où c'est l'image séduisante, aristocratique de Gary Grant, ou le Kirk Douglas, le genre macho, viril et tout ça. Bref. Et donc, qu'est-ce qui se passe avec Dean ? Dean arrive avec son côté d'intellectuel. Ça ne s'est jamais vu. On n'a jamais vu dans le cinéma américain, je crois, jusqu'à maintenant, sinon pour les caricaturer ou pour les cantonner dans une catégorie bien spéciale, on a très rarement vu des intellectuels et on a très rarement vu des hommes frêles, physiquement vulnérables, qui ne sont pas des cogneurs, qui sont à la limite des larmes, et Dieu sait que Dean en a versé des larmes dans ces trois films. Eh bien, tout à coup, ça, c'est quand même un grand tournant. Et là où Dean est moderne, et là où Dean a eu des enfants, c'est si on regarde aujourd'hui le type d'acteurs qui sont des stars. Je parle d'acteurs au masculin, naturellement. Je veux dire que des gens comme Dustin Hoffman, comme De Niro, qui sont, bon, je mets ça entre guillemets, et ça n'a aucun sens péjoratif dans ma bouche, qui sont des petites choses frêles, ça mesure pas plus d'1m70 tout ça, hein, enfin peut-être un peu plus, mais je veux dire que c'est fini cette image de l'homme viril et de l'homme s'imposant à l'écran. C'est pour ça d'ailleurs que quand on revoit des films avec Mitchum, ah là là, quel soulagement. Mais donc De Niro, Dustin Hoffman, en France des gens comme Gérard Lanvin, comme Richard Berry, Trintignant, n'en parlons pas, mais il est déjà de l'autre génération, bon, qui n'ont plus besoin de jouer de leurs muscles, mais de leur tête. Et là, ça, je crois que c'est vraiment quelque chose. Non, je ne pense pas qu'ils doivent à James Dean, mais qui est une espèce de pont au-delà des 30 ans de la mort de James Dean. Quand James Dean est apparu, c'était la préhistoire, ça n'existait pas, c'est-à-dire qu'il n'existait aucun, il n'y avait aucune star pour les jeunes, il n'y avait aucun chanteur pour les jeunes, il n'y avait aucune presse pour les jeunes, c'est-à-dire Salut les copains est arrivé en 1960, hein. Presley est arrivé, c'est lui qui a révolutionné la musique, Il est arrivé en 57, c'est-à-dire à la mort de James Dean. Hein, c'est pas un hasard, à mon avis, enfin, mais pas avant. Et si vous voulez, bien sûr, il y avait des acteurs dans lesquels on se reconnaissait, on reconnaissait dans les yeux, il y avait une flamme qui disait autre chose que le scénario qu'on voyait, que le film qu'on voyait. Ces acteurs s'appelaient Montgomery Clift, ces acteurs s'appelaient Marlon Brando. Et puis il y en avait un autre aussi qui était très... qui est le père de ces acteurs-là, c'est John Garfield. Et John Garfield avait ce côté révolté, un peu écorché vif, si vous voulez, qu'il était dans la vie, et tous ces acteurs-là viennent, si vous voulez, d'une même filiation, c'est-à-dire de la filiation d'Elia Kazan. C'est-à-dire, s'ils sont, par exemple, John Garfield joue au théâtre avec Elia Kazan sur scène, Brando a été lancé par Elia Kazan à Broadway, Montgomery Clift a joué à l'âge de 14 ans à Broadway avec Elia Kazan comme metteur en scène de théâtre, James Dean, comme vous le savez, à l'Est d'Éden a été fait par Kazan. Et d'ailleurs, c'est comme ça que je suis arrivé, moi, j'ai débuté ma cinéphilie, si je veux dire, enfin, mon amour du cinéma, par le premier metteur en scène que j'ai connu, c'est Elia Kazan, quand je me suis aperçu que ce metteur en scène avait fait tourner, travailler avec ces trois acteurs, je me suis dit, il y a quand même autre chose, il faut que je m'intéresse au metteur en scène. Mais, je veux dire, de l'âge de 6 ans à... de 6 à 16, pendant 10 ans, j'allais au cinéma, vraiment... de moyenne plus d'une fois par jour, et je m'intéressais qu'aux actrices, qu'aux acteurs, qu'aux stars, qu'à Hollywood. Et d'ailleurs, je garde toujours ma tendresse et pour Hollywood. Mais Elia Kazan a quand même renié James Dean, non ? Mais bien sûr, il n'a pas exactement renié James Dean. Mais moi qui ai bien suivi Elia Kazan, si vous voulez, faut vous dire que c'est quand même énervant pour lui. Et ça se comprend un petit peu, c'est-à-dire qu'il n'a pas renié James Dean, mais d'interview en interview, plus les années passent, plus il disait du mal de James Dean. Pourquoi ? Parce que c'était un metteur en scène qui a frôlé le génie pour moi, mais pas le metteur en scène de ces 20 dernières années, celui des années 50. Je veux parler celui de Viva Zapata, celui de Sur les quais, celui d'À l'Est d'Éden. C'était pour moi le grand maître, qui a eu le plus d'influence dans le monde, c'est-à-dire de l'influence sur des metteurs en scène comme Vaida, qu'on peut voir dans Cendre et Diamant. Une influence sur les acteurs qui étaient les acteurs polonais, que ça soit Cybulski qui était la vedette de Cendre et Diamant, qui était la plus grande star, la seule star des pays de l'Est que les pays de l'Est ont eu, que ça soit sur Romek Polanski, il s'appelait Romek à l'époque, que j'ai connu quand il faisait des courts-métrages, il était fou de Brando, fou de Kazan, etc. Mais comme Kazan s'était mal conduit pendant le McCarthyisme, avait trahi ses amis comme Clifford Odets et d'autres, il était renié par la critique française, des cahiers du cinéma positifs qui traînaient dans la boue complètement il y a 15 ans. Il arrive dans une Amérique qui a passé par Roosevelt, par Truman, par Eisenhower, par des hommes, d'abord des hommes âgés, ce ne sont pas des jeunes gens qui ont régné sur cet immense pays qui est quand même... Il faut quand même le rappeler, qui est quand même un pays de jeunes. C'est pas du tout, l'Amérique n'est pas un pays de vieux. Cependant, elle a été pendant trois termes, comme on dit en anglais, pour désigner les mandats des présidents américains, elle a été gouvernée par des gens très mûrs, très conscients, etc., et pas du tout jeunes. Donc, lui, il arrive, il impose... Non seulement sa jeunesse, il impose une nouvelle façon de s'habiller. Ça aussi, c'est très important. Je veux dire que la panoplie de Dean, ce sont les jeans, ce sont les slacks, c'est ce côté patogas et tout ça. Lui, il s'en fout d'aller dans une soirée avec une veste un petit peu comme ça, moche, molle et tout ça. Je veux dire, et tout à coup, vous savez, je crois que quand on peut dire qu'une star... Un mythe est né quand la rue se met à s'habiller comme elle ou comme lui. Eh bien, je ne vais pas dire que du jour au lendemain, mais je veux dire qu'après le grand succès, surtout de Rebel Without a Cause, les jeunes Américains se sont mis à s'habiller comme Dean. Jeans, Dean Jeans, d'une certaine façon... il a quand même une espèce de liberté de ton aussi, bon, et qui annonce, à mon avis, qui annonce l'Amérique de Kennedy. candle burning bright, mother. I'll be kinda late tonight, mother. There's a yellow moon above, mother. Shining on the one I love, mother. Burn that candle, night and day. Des années 50, il faut quand même pas oublier une chose, c'est que c'est une Amérique encore triomphante. Je veux pas dire qu'elle n'est pas triomphante aujourd'hui. Bon, le redressement économique de l'Amérique de ces années que nous vivons, bon, est assez spectaculaire. Mais je veux dire que c'est une Amérique qui n'a pas connu la guerre du Vietnam, qui n'a pas connu la honte effrayante, l'humiliation des otages de Téhéran. Vous me direz que on est en pleine guerre, enfin, où la guerre de Corée vient de se finir. Bon, et que la guerre de Corée n'a pas non plus été glorieuse pour les États-Unis. Mais ce n'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que c'est encore une Amérique qui est formidablement sûre d'elle-même sur l'échiquier mondial. Et sur le plan économique. Mais c'est aussi une Amérique qui vient quand même de passer par une période effrayante qui est le maccartisme. Le maccartisme qui a été cette chasse aux sorcières, bon, qui a quand même chassé les intellectuels, les cinéastes, les scénaristes d'Hollywood, qui a refusé justement le sentiment, qui a pratiqué la délation. Et là-dedans, vraiment, je veux dire que Dean, enfin, c'est une opinion que je forge comme ça et qui m'est totalement personnelle, qui est peut-être aussi totalement fausse. Mais Dean est apparu vraiment, c'était une respiration, c'était quelque chose de neuf, c'était quelque chose, je ne peux pas dire autre chose, c'était, j'allais dire, littérature, vous voyez, c'était le romanesque du sentiment. Et ça, je pense que ça a beaucoup joué dans son succès, dans la construction de son mythe. Imaginez un chat abandonné dans la 42e rue. Le problème majeur pour ce chat est de ne pas se perdre. À Hollywood, je me fais l'effet du chat abandonné dans la 42e rue, à 8 heures du soir. C'est un révolté. C'est un type en marge, c'est un rêveur, c'est un intellectuel. Je regarde à travers ces trois films. Mais, à travers ces trois films, c'est quelqu'un aussi qui devait faire vraiment plaisir aux familles américaines. Parce que si on regarde La Fureur de Vivre, bon, qu'est-ce que c'est que le problème de Dean? C'est un problème de psychanalyse, de bazar du Middle West. Mon papa ne m'aime pas. Mon frère, etc., est plus gentil que moi dans Alès d'Iden, mais c'est un vilain. Bon, dans Géant, le pauvre bouseux du Texas, un jour je vais vous montrer ce que je vais vous montrer et je serai plus riche que vous. Ah, j'ai fait des vilaines choses, je serai puni, parce qu'on est toujours puni. Donc, quand je dis qu'il joue sur les deux tableaux, je crois que c'est vrai, parce que il fait rêver la jeunesse et il rassure les familles. Je veux dire que c'est... contrairement à ce qu'on a pu penser, Dean n'est pas du tout un élément perturbant. C'est pas du tout un élément... c'est quelqu'un qu'on aurait très bien pu inviter à sa table, qui serait devenu un très bon gendre. Mais enfin, je veux dire qu'à travers ces trois films, Dean se montre vraiment comme quelqu'un de très... Je ne vais pas dire charmant, mais de très moral. Pareil, dans La Fureur de Vivre, bon... Il regarde, je veux dire, bon, naturellement, il participe, il est là dans la vie estudiantine plutôt agitée, les courses de voitures meurtrières, etc. Mais souvenez-vous, je veux dire, c'est quand même lui qui est une espèce d'ange gardien de SOS détresse amitié pour Natalie Wood, pour le pauvre petit Sal Mineo. C'est lui qui... Bon, avec les problèmes qui traînent derrière lui, bon, ben, c'est lui qui essaye de rassembler les âmes en détresse, puisque lui, il sait, puisque lui-même est une âme ô combien en détresse. C'est pas parce qu'il va se retrouver dans un commissariat et qu'il est que il est perdu pour la bonne cause de la moralité américaine. Et Nicolas Arès permet de tracer aussi un tableau de la famille américaine qui est, disons en tout cas, ce que nous en devinons, c'est-à-dire un père faible qui se laisse piétiner. L'image atroce du père avec son tablier, bon, qui est une image vraiment... Bon, maintenant, c'est une image qu'on admet, parce que les hommes font la cuisine et les hommes ont des tabliers. Mais à l'époque, cette image est très humiliante. Et l'image de la mère, omniprésente, dominatrice, etc., c'est terrible. Bon, c'est quand même l'Amérique, la société américaine, telle que nous savons qu'elle existe. Bon, dans Alès d'Iden aussi, je veux dire, qu'est-ce que c'est qu'Alès d'Iden? C'est un bon fils. C'est un... Bon, vous me direz qu'il fait des vilaines choses, puisqu'il... Qu'il emmène son frère dans un endroit que la morale réprouve, lui montrer ce qui est véritablement sa mère, cette mère qu'on croit. Mais, je veux dire, c'est un bon père, c'est un bon fils. Vous voyez, je fais un lapsus, parce que vraiment, avec Dean, on ne peut faire que des lapsus. Mais c'est un homme de bonne volonté. Et, aux surprises, c'est le petit frère, l'ange, à qui il pousse des cornes de démon. Et dans Géant, c'est exactement la même chose. Même si on réprouve l'action de ce type, et si on le trouve mal élevé, si on le trouve grossier, etc., c'est une image, Géant, c'est une image qui a dû plaire à l'Amérique. Parce que c'est l'image du rêve américain, c'est l'image de la conquête, c'est l'image... Tout est possible et un pauvre minable bouseux gardien de buffle peut devenir aujourd'hui, c'est possible dans ce pays qui s'appelle les États-Unis, peut devenir un milliardaire. Donc c'est contrairement à ce qu'on croit, je ne pense pas que Dean soit le rebelle qu'on a voulu nous imposer. Bon, il a été, à mon avis, rebelle d'une autre façon, c'est-à-dire qu'il a été rebelle dans le cinéma, dans l'image classique et dans les archétypes du cinéma d'alors, et que après lui, on ne pourra plus jamais faire du cinéma comme on en faisait dans les années 50. Ça, c'est là où vraiment c'est un rebelle. Et je pense que les critiques cinématographiques qui se sont moqués de Dean ont eu tort. Et les sociologues qui ont... Vous allez dire que je suis très péremptoire, mais enfin ça, c'est ma petite pensée à moi. Et je crois que les sociologues qui n'ont pas peut-être toujours perçu que la véritable importance de Dean n'était pas d'être le porte-parole d'une jeunesse rebelle, mais au contraire d'une jeunesse qui jouait à la rébellion et qui jouait à la révolte, et qui était toute prête à rentrer dans le rang, à troquer les jeans et les pulls un peu troués contre des costards trois pièces. Autre séquence de Hollywood Graffiti, celle de James Dean, tournée pour la sécurité routière, une semaine avant sa mort sur la route de Salinas, au volant de sa Porsche, compteur bloqué à 160. Hi, Iggy. We asked Jimmy over today because he's a racing man himself. A real one, not a crazy one. Incidentally, I think I should explain that Jimmy just stepped over from the set of Giant. And need I add, he plays a Texan. Speaking of racing, have you ever been in a drag race? Are you kidding me? I just thought I'd ask. No, Jim races in the tradition, you might say. Real racing cars, real tracks. How fast will your car go? Oh, an honest miles an hour. Clocked, it's around about 106, 7. You've won a few races, haven't you? Oh, one or two. Where? Well, I showed pretty good at Palm Springs. I ran a Bakersfield. Jimmy, we probably have a great many young people watching our show tonight, and for their benefit, I'd like your opinion about fast driving on the highway. Do you think it's a good idea? A good point. I used to fly around quite a bit. You know, I took a lot of unnecessary chances on the highway. And I started racing, and now I drive on the highways, and I'm extra cautious. Because no one knows what they're doing half the time. You don't know what this guy's going to do with that one. On a track, there are a lot of men who spend a lot of time developing rules and ways of safety. And I find myself being very cautious on the highway. I don't have the urge. Deeply loved, let me be loved. Let someone care. Que ce jeune homme a tourné trois films, point. Et ça fait 30 ans que ça dure. Trois films. And love was there to see. Lui, il avait quelque chose en plus, quoi. C'est-à-dire, il avait une intériorité qui parlait, je vous dis, dès qu'il apparaissait sur un écran, il parlait vraiment au spectateur en tête à tête, rien que par les gestes, par les regards, par la profondeur qu'il avait en lui, quoi, et tout ce qu'il exprimait. Donc pour vous, c'est au-delà du mythe, c'était vraiment un acteur, hein, vraiment un homme de cinéma. C'était un énorme acteur. C'est pas d'ailleurs, un coup monté publicitaire, pas du tout. Oh, pas du tout, sinon vous savez, les coups montés publicitaires, si on pouvait monter un acteur comme ça, j'en ferais un. Tout. Oh non, ça c'est tout écroulé. On peut pas lancer, on peut pas, vous savez, la publicité, moi je suis pour le star system en plus, à mort, et mise au point, par Hollywood et tout, mais vous pouvez le faire qu'avec des gens valables. Si vous pouvez pas faire tenir et durer des gens qui sont pas de qualité, qui n'ont pas de talent. James Dean, c'était fantastique, mais comme il était très moderne de jeu dans les années 50, il y avait beaucoup quand même d'acteurs qui avaient joué au théâtre avec lui, comme Louis Jourdan, ou qui avaient joué au cinéma avec lui, comme Rock Hudson, qui en disaient beaucoup de mal. Mais vous savez aussi, il faut se mettre à leur place et c'est-à-dire qu'il avait un pouvoir de séduction insensé. C'est-à-dire que quand il tournait, toutes les femmes du plateau étaient vraiment dans sa direction, que ce soit les techniciennes, que ce soit la dialoguiste ou que ce soit les actrices. Bon, et ça s'est mal passé. Je veux dire, quand Kazan a fait à l'Est d'Éden, c'était vraiment pour Julie Harris, qui était sa maîtresse de l'époque. Et puis, sur le plateau, il s'est rendu compte que, bon, bah, que Julie Harris regardait James Dean tendrement, comme Elizabeth Taylor a regardé ensuite très tendrement James Dean dans son film, comme enfin, toutes les femmes, quoi, Natalie Wood, enfin, on peut toutes les citer, et au théâtre, que ce soit Geraldine Page, toutes les femmes dont on est avec lui, elle était complètement subjuguée. Et puis lui, c'était la reine des putes, il était, bon, comme tous les acteurs, il était obligé d'être était extrêmement narcissique, ça c'est vrai. Mais enfin, si vous n'êtes pas narcissique et un peu même mégalomane, vous ne pouvez pas être acteur, c'est des défauts absolument indispensables. Sinon, c'est pas la peine de faire ce métier. Et si vous voulez, le métier d'acteur demande des défauts nécessaires, j'appelle ça, qui sont des vrais défauts. Et que, parce que pour avoir l'idée de monter sur scène en ayant le tract pour se faire applaudir, faut être un peu dérangé. Mais c'est pour ça que c'est passionnant. Il y a que les gens dérangés qui m'intéressent et les marginaux et les fonctionnaires m'ennuient. Je veux dire, comme tous les bons acteurs sont un peu fêlés. Je veux dire, sinon, ils transmettent rien à l'écran et ça devient des mannequins. C'est des acteurs qui peuvent se permettre de montrer un petit peu ce qu'ils ont en eux parce qu'on voit que c'est assez riche. Mais quand un acteur est creux ou une actrice est creuse, il y en a beaucoup en France par exemple, bon, il vaut mieux rien montrer parce que comme il n'y a rien à voir, il vaut mieux se planquer, il vaut mieux se cacher. Si ça dégage une excitation ou une tentation, c'est pas creux du tout. Je veux dire, non, je parle des acteurs où, je veux dire, vous prenez Bardot, il y avait vraiment une intériorité. On avait envie de la posséder, on avait envie de l'embrasser partout, on avait envie de la caresser. Je veux dire, et ce qui m'ennuie, c'est qu'on parle un peu au passé, qu'il y a un peu moins d'actrices aujourd'hui. S'il y a la petite Kapriski, qu'on a envie de cajoler un peu, quand même, qui est très belle, qui était, je veux dire, qui a un petit quelque chose dans l'œil et un beau corps. Dans ces films aussi, une des caractéristiques qui est une des caractéristiques du Poire et que James Dean avait, quant à lui, c'est une vitalité et une sensualité très animale. Je ne sais pas s'il l'a vraiment vécu pour lui-même, mais surtout quand il était dans ces images de 18 ans, de jeunes, de joueurs de baseball ou de foot. On le voit là avec quand même une vitalité en lui. Il n'a certes peut-être pas actualisé complètement cet aspect-là de lui-même. Mais cet aspect, pour moi, c'est quelque chose qui rejoint... ce que les civilisations ont mis en forme dans les jeunes dieux qui sont les espoirs de fécondité. Les dieux à qui soit on fait des sacrifices, soit que l'on honore pour qu'ils apportent la fécondité. Et cet aspect-là, alors on peut se demander si James Dean n'est pas apparu aussi, n'apparaît pas tellement prégnant à notre époque, parce qu'il vient combattre au fond les forces de mort dans lesquelles notre civilisation actuelle est plongée. Et s'il n'apparaît pas comme un recours quelque part contre l'angoisse de mort qui saisit tout un chacun et les jeunes, je pense surtout, qui ont du mal à trouver leur chemin dans quelque chose qui est à inventer, puisqu'au fond, on est quand même dans un tournant de culture, sûrement, et dans quelque chose qui est à trouver. Et dans ces moments de rupture, on ressent la nécessité de nouvelles représentations, et entre autres, de ces représentations qui mettent en avant un espoir de vie. Or, la jeunesse de James Dean est un espoir et quelque chose. On ne pense pas tellement à sa mort, on pense à ce qu'il a de gardé, à ce qu'il figure de toujours jeune. Et ça, si on ne pense pas à sa mort, c'est, je pense, quand même sa mort qui permet de signifier James Dean dans cette représentation d'espoir de vie. Parce que s'il avait fait un parcours... normal, s'il avait vieilli, il ne pourrait pas accrocher ce versant de la représentation qui est la vie éternisée. You didn't really love her any more than you do me. Because your goodness, your rightness, you never gave either one of us an inch, ever, for what you thought was right. You kept on forgiving us. You never really loved us. I know why you didn't love me. Because I'm like my mother, and you never forgave yourself for having loved her. Right, I'm not going to forgive him. I'm never going to forgive him. Where's Aaron? He's with her. With his mother. She's over there in Monterey, if you want to know. She owns one of them houses. I took care of her tonight because I was jealous. I've been jealous all my life. Jealous, I couldn't even stand it. Come gather around, people, wherever you roam. And admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times, they are a-changing. Writers and critics who prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin, and there's no telling who that it's naming. For the loser now will be later to win. For the times, they are a-changing. Moi, je trouvais ça drôlement érotique. Érotique, oui, érotique, érotique, oui. Séduisant. Oui. Ah oui. Suscitant ah, des émotions, oui. Disons. De... Ah oui, moi, je peux vous dire que lorsque j'étais donc au lycée à l'époque, j'avais un voisin qui n'était pas dans le même lycée que moi, mais on suivait le même chemin, il ressemblait à James Dean, je le trouvais le plus beau de tous les jeunes gens que j'avais pu rencontrer. Parce qu'il avait les yeux de James Dean, la coiffure de James Dean, et que je trouvais qu'il n'y avait rien de plus beau au monde. Séparés, détachés, séparés, séparation, démarcation, limite, borne, cloison. Multitude, solitude, termes égaux et convertibles par le poète actif et fécond. Qui ne sait pas peupler sa solitude, ne sait pas non plus être seul dans une foule affairée. Mettre à part, au secret, séquestrer, séquestration, cloîtrer, cloître, sectionner, trancher. C'est dans la classe des solitaires que se trouvent les hommes qui poussent le plus loin la carrière de la vie. Exilés, expatriés, dispersés, dispersion. What I wish analyser, you to think of, analyse, ce à quoi je veux que vous pensiez. Is something that you do when you are alone. C'est quelque chose que vous faites lorsque vous êtes seul. That you stop doing as soon as you hear somebody at the door. Et que vous interrompez dès que vous entendez quelqu'un arriver. And that you stop not simply because somebody interrupts. Et que vous interrompez non pas simplement parce que quelqu'un vous dérange. But you would never even want anybody to know. Mais parce que vous ne voudriez même pas que quelqu'un sache. That you do that. Que vous le faites. Sometimes it's as simple as. Quelquefois c'est aussi simple que. Singing. Chanter. I've had people who say they have never sung. J'ai connu des gens qui disaient qu'ils n'avaient jamais chanté. Except when they're alone. Sauf quand ils étaient seuls. That is a very somehow intimate and personal experience. Mais pour eux, en tout cas, c'est une expérience très intime et très privée. There are other people who have moments of living when they are alone. Il y a des gens qui ont un moment de réveil. Je pense qu'il y a une chose qui prime tout, c'est que avec Dean, c'est l'intériorité. C'est, on parlait tout à l'heure du triomphe du raisonnement du cerveau sur le côté machisme, etc. Mais c'est aussi le côté, c'est le triomphe de la sensibilité, de l'intériorité, du sentiment, je dois dire. Et ça, c'est une chose très importante que Dean impose. Et que les autres... Bon, c'est l'époque où Newman commence à se frayer un chemin lui aussi. Eh bien, Dean et Newman sont quasiment des frères jumeaux, c'est-à-dire sont des acteurs qui ne jouent plus avec leurs muscles, même si Newman se monte à moitié nu dans la chatte sur un toit brûlant. Qu'est-ce qui marche dans le système d'acteurs, dans le système de Newman? C'est le sentiment, c'est l'intériorité. Comme ça marche pour Dean, qui projette toujours ses sentiments à la vitrine, qu'il est, j'allais dire même, qui en accable, qui en asperge le spectateur. Le spectateur ne peut plus dire « moi je m'en fous, je reste dans mon coin ». On est, quand il prend son père et qu'il le secoue, qu'il lui dit « papa, papa et moi », je veux dire, on se dit mais moi aussi j'ai fait ça un jour, moi aussi j'ai secoué mon père et moi aussi j'ai pleuré, et moi aussi j'aurais voulu aller cultiver, ramasser des salades pour apporter un paquet de dollars à mon père, et moi aussi j'ai pleuré quand mon père m'a foutu ce paquet de dollars à la figure. Bon, et ça, c'est une chose nouvelle. Bon, naturellement, il y a chez Dean, à la base, il y a cette sensibilité à fleur de peau, cette nervosité qui a ennuyé, qui a exaspéré certaines personnes. Mais Dean a quand même ça en lui. Plus, il y a quand même une chose dont il faut parler, parce que si on n'en parle pas, on passe à côté du phénomène Dean et du phénomène de tous les acteurs de cette génération, c'est l'acteur studio. Bon, qu'on soit pour ou qu'on soit contre l'acteur studio. Bon, des tas de générations d'acteurs, Newman, Dean, Brando, Anne Bancroft, tout le monde est passé par là. Tout le monde, s'est essayé ce qu'on nommerait le cri primal de l'acteur. Désormais, l'acteur n'est plus quelqu'un à qui on colle un rôle, mais c'est le rôle qui doit coller à l'acteur. Et l'acteur doit décider de lui-même, de son rôle, et de comment il va manager, pardon de ce vilain mot, il va manager sa sensibilité, etc. Donc ça, c'est une chose, c'est une chose qui a engendré des excès. C'est-à-dire qu'il y a quand même... il y a des tics, il y a une affectation, et le vouloir à tout prix jouer le naturel, atteindre le naturel, on touche aussi à l'extrême, c'est-à-dire qu'on n'est plus naturel. Donc, et c'est vrai que Dean, frôle ça, et même pas, il ne le frôle pas, il l'atteint, que Brando peut être exécrable, faut le dire. Parce qu'on se dit, bon sang, oui, ça c'est vraiment l'acteur studio. Dean, par moments, c'est insupportable, mais par moments, c'est fabuleux. Et vous voyez, par exemple, moi, j'adore Géant, qui est finalement le film le plus décrié et le plus renié des trois films de Dean. Alors que, tout le monde, naturellement, La fureur de vivre reste, c'est vrai, l'archétype d'une certaine jeunesse. Mais je trouve que Géant... et dans Géant, il a quand même montré... Et ça, on a trouvé qu'il n'avait pas réussi à trouver le ton. Mais je trouve quand même qu'il avait très bien amorcé cette espèce de vieillissement. Et qu'on voyait sous le maquillage, sous les cheveux très blanchis, on voyait déjà percer Dean des années de la maturité. Et je ne sais pas si ça en est rendu compte, mais là, ça fait un petit peu peur. Oh, commence à un petit peu casser, non, le personnage Dean? Non, parce que le personnage de James Dean, comme je vous ai dit tout à l'heure, il est né après sa mort. Oui. Donc tous ses films sont sortis après sa mort. Et je crois que Géant a fait même plus d'entrées à Paris que La Fureur de Vivre. Vous voyez? Parce qu'il est sorti en pleine gloire de James Dean. Il est sorti en 57, si mes souvenirs sont bons. Et ça a été, ça faisait la une de Paris Match, la une de tous les grands journaux du monde. On fait la une avec James Dean pour la sortie de Géant. Alors bien sûr, on était déçus. C'est que sur près de 3 heures de film, on voyait que James Dean, 1h30. Mais le peu de séquences qu'il avait, il volait la vedette à tout le monde. Il était extraordinaire. Et puis on peut le revoir aussi dans James Dean Story, qui retrace toute la carrière de James Dean avec ses amis qui en parlent, dont Denis Hopper qui en parle très très bien, qui est le metteur en scène de Easy Rider, qui dit qu'il doit tout à James Dean, quoi. Et Denis Hopper, il ne s'est jamais remis d'avoir rencontré James Dean, parce qu'il dit, c'est un acteur à Hollywood et tout, quand il a vu James Dean arriver, il a senti qu'ils étaient tous à 20 coudées derrière lui, et ça c'était horrible. Mais vous devriez interviewer Johnny Hallyday, par exemple, Hallyday. Et quand on se voit tous les deux, on reparle toujours de James Dean parce que il voulait être acteur de cinéma, Hallyday, pas chanteur, parce qu'il avait rencontré James Dean lui aussi autour d'un écran, quoi. Et ça l'a traumatisé à vie. Une fois par semaine, le vendredi, au cours de l'heure de récitation libre, au lieu de gentils poèmes sur les glaïeuls et les pétunias, je déclamais des odes vociférantes sur des sujets sanglants et belliqueux. There was a boy, a very strange enchanted boy. They say he wandered very far, very far over land. J'étais sonné complètement de rencontrer quelqu'un. J'avais l'impression de lui parler. L'adolescent que j'étais à l'époque rencontrait à la fois son père, son frère, son meilleur ami et son maître à penser. C'est-à-dire que ça a changé complètement ma façon de vivre, de penser et d'agir à partir dès que je l'ai connu sur l'écran à l'âge de 16 ans. Je suis devenu un autre homme. A magic day he passed my way, and while we spoke of many things, fools and kings, this he said to me. The greatest thing you'll ever learn is just to love. And be loved in return. James Dean est complètement immortel et il nous survivra, quoi. Je veux dire, c'est écrit, quoi. C'est fait, quoi. Greatest thing you'll ever learn is just to love and be loved in return. De tout temps, on a magnifié la jeunesse parce que c'était un principe de fécondité. Et en plus de ça, c'est quelque chose aussi pour l'être humain, par quoi il a le sentiment qu'il va échapper au temps. Rester jeune, c'est défier la mort. Et ça, on trouve ça chez Goethe, Méphisto, on trouve ça dans ce que Huxley a fait, le conte de... du meilleur des mondes, hein, qui serait la jeunesse et la visée de l'humanité. Donc cette mort du jeune homme en pleine jeunesse, qu'on confonde chacun à ce vieux rêve-là. Il semble donc que James Dean, lui, comme les autres jeunes qui sont morts en pleine jeunesse, est pour nous quelque chose qui est l'espoir d'échapper au temps. Quelque chose va donc rester éternellement jeune. Dean, 14 ans. Une nuit, j'ai lu dans les yeux d'un hibou. C'était deux beaux livres rouges, avec de ci, de là, des taches de malheur. Moi, j'aime beaucoup la photo que je vous ai dite tout à l'heure, qui est celle-là, où il est. Voilà, il est au lycée de Fairmont. Il est avec les gens du lycée de Fairmont en voyage à Washington. Et alors, il est au milieu du deuxième rang, avec des lunettes. Il n'est pas très très heureux. Il a les cheveux complètement sur le front. Et il a un gilet avec un gros 4 et un gros 9, ce qui est totalement ridicule. Et visiblement, c'est vrai qu'il lui manque un bouton. Et tous les gens, si on regarde bien les gens qui sont là, les autres garçons qui sont pas habillés, bon, mis à part un avec une veste, le plus décontracté, c'est quand même lui. Je veux dire, si on regarde les tous qui sont coiffés, machin, etc., lui, il est là, d'abord, il est très curieusement, il y a un rang de filles, un rang de garçons, et puis de nouveau un rang de filles, après il y a les profs, et qui est au milieu des filles? James Dean. Épitaphe pour un cow-boy canonisé. Francesca Piolo, Mireille Cros, Olivier Berotte. Avec Françoise Ducoux, journaliste, Sylvie Messinger, éditrice, René Château, producteur de cinéma, et Geneviève Guigillet, psychanalyste. Le coiffeur est l'acteur le plus répugnant de la comédie humaine. James Dean. L'émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 26 mars 1985. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.